J'entends des bruits sur mon téléphone sans fil. Sous coke comme Tony MT, balles, je me les enfile. Parti de que dalle, j'ai jamais voulu taffer. Grandi avec la daronne, enfermé, libéré sur parole. Pour me refaire, j'ai fait ce qu'il fallait. Du bien, du mal, j'ai commencé le rap à 17 balais. Depuis mes débuts, gagné j'ai l'habitude. Ma putain d'attitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Alors je suis mes négros, et mes négros me suivent. Rafale de balles dans les amygdales, les faux négros me fuient. Reflet de mon époque, moi et mon Glock et mes potes. Aucune confiance en leur justice. Et si le prank m'insulte comme une vulgaire salope de film de Hulk, obligé de tirer sur ce fils de pute. J'veux une cellule individuelle avant qu'on s'entretue. La vie de rue a fait de nous de dangereux individus. Dites bonjour aux mauvais garçons. Regarde les flammes dans mon iris que la nation brûle sous mes lyrics. Ma cour de récréation fais son joie dans n'importe quelle voie. On passe-moi la zèbre et la sombre.